Vous êtes à l'écoute de... Le Trangena. Le Trangena. Le Trangena. Le Trangena. Bonsoir, vous écoutez Tranche d'Anard, l'émission anarchiste sur Radio Air Libre. Nous ne sommes pas au studio ce soir et donc je vous passerai l'entretien que j'ai fait la semaine passée à la ferme du Hayon, dans la Gaume, tout au sud de la Belgique. J'y ai rencontré le collectif Revenons à nos cochons, un groupe de soutien aux éleveurs qui ont perdu 4000 cochons, abattus pour soi-disant endiguer la peste porcine africaine chez les sangliers du coin. Les musiques sont de Jean-Claude Vatrin, qui dans les années 70, début 80, chantait des chansons en gommet. Bonne écoute. Hameçon, aïe, c'est la ruette. J'ai une ben mauvaise étiquette. J'aime des mounes ou j'ai trim tout là. J'ai passe tout joue pour un vara. Il me sent que j'ai une femme pour moi. Pas choune. A chantant à la, j'aime bail de la poune. Mal et brave John, il m'en fout. Kef chouja chan au tchemengzou. Non, elle est brave John, il m'en fout. Kef chouja chan au tchemengzou. Tout le monde perd dal, j'en vais dire ça. Sauf les mioles, ne faut plus que ça. La journée dont 27 septembre, j'ai la passera Claude à ma champ. Deux, trois diadres et des majorettes, c'est un pays qui se gale la boulette. Il me semble que j'ai une femme pour moi, pas choune. Un chejan, mais le coquet de la fille de Walloon. Mal et brave, John, il m'en fout. Quel chejan, chano, tchemenzou. Non, elle est brave, John, il m'en fout. Quel chejan, chano, tchemenzou. Tout le monde devant, mis le fait bras. Sauf les mitchots, il faut plus que ça. Si je vois un pauvre diable courir, aveu un rabourou au drit, je lance un pougné gare au mugi, elle rabourou tue à mes pieds. Il me semble que j'ai une femme pour moi, pas choune, à soutenant le soune qui trouve les crons birboune. Mal et brave, John, il m'en fout, qu'elle change un chanot de chemenzou. Non, elle est brave, John, il m'en fout. Qu'est-ce que j'ai un chanot de chemenzou? Tout le monde va ressumer à Mimta. Sauf les cujottes, il ne faut plus que ça. Venez Jama et du minis. Ma savait qu'il en a une belle miss. Aveu une courte qui nous y plat. Il me padron dans les bottes si ma. Une scène que j'ai une femme pour moi. Pas choune. A perdre en chaque jour, t'aurais pas le coup. Les braves gens, ils m'en fout. Qu'est-ce que j'ai un chano de chemenzou? Non, les braves gens, ils m'en fout. Qu'est-ce que j'ai un chano de chemenzou? Tout le monde vendrait pour me voir clamser. Sauf les avules. Ah ben ça se roule bouquet. Nous sommes le 21 décembre, puisque à Bruxelles c'est connu comme la ferme du Hayon, nous sommes à la ferme du Hayon. Parce que je suis curieux sur la campagne ou l'action qui s'appelle Revenons à nos cochons. Comme vous avez peut-être entendu dans la presse, 4000 cochons ont été tués dans le pays de Gaume. Parce qu'il y a une contamination des sangliers qui ont la peste porcine dans la région. Voilà. Je voudrais demander aux personnes qui étaient là quand l'inspection est venue. L'inspection, c'est l'AFSCA? Oui. Ouais. Comment ça s'est passé? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Bon, malheureusement, j'étais pas là, mais on m'a reporté. Donc mon voisin qui avait des cochons, on est deux fermiers sur le site, était là, et mon fils aussi. Ils sont arrivés, je dirais, de façon très ouverte, en demandant de voir nos cochons, en expliquant que la peste porcine africaine était chez les sangliers, qu'il avait été important de faire un repérage et surtout de donner des conseils. Et en faisant le tour des parcs, parce que chez moi ils sont en parc extérieur, en été du moins, ils étaient tous en parc extérieur. Ils ont voulu voir les parcs et ils nous ont conseillé justement de changer nos cochons de parc pour faire en sorte qu'ils ne soient absolument pas en contact avec un sanglier qui passerait là à côté. Quoi. Par mesure de précaution, les désinfections des bottes, ne pas aller dans les bois, parce que c'est une maladie super contagieuse, tout le monde sait ça je pense, et qu'il suffirait de marcher sur une crotte de sanglier ou un sanglier qui est malade, ils font beaucoup de fièvre, qui va baver, etc. La bave est pleine de microbes, et s'il y en a un peu sur nos bottes, qu'on ramène ça à la porcherie, on risque la maladie. Ça, tous les éleveurs l'ont bien compris, et la mission de l'AFSCA était de nous informer, mais ce qu'ils ne nous ont pas dit, c'est le côté comptabilité du nombre de cochons qu'on avait, et où on l'a mal pris, c'est au moment où on nous a dit « on doit tuer tous nos cochons ». Ils avaient en fait, nous on a imaginé qu'ils avaient été venus espionner pour être sûr qu'on ne cache pas un cochon ou l'autre le jour où on sait qu'on doit les tuer. Quoi. Ils ouais. étaient venus répertorier en fait, voilà, sous prétexte de la précaution, d'une double clôture, de donner quelques. Des conseils. Oui, quelques conseils en disant voilà, ça ne va pas aller plus loin, on vient vous donner quelques conseils. Et puis à un moment, on s'est rendu compte qu'ils avaient peut-être bien répertorié absolument tout pour l'abattage à venir. Quoi. Et puis donc, l'AFSCA, c'est une agence de la région wallonne ? Non, c'est fédéral. C'est une agence fédérale. Fédérale, oui. Ouais, parce que si j'ai bien compris, après on a pris une décision d'abattre tous les cochons au niveau de la région wallonne. Non, c'est aussi fédéral. Oui. Ah, ok. C'est très bien comme si vous me le dites. En fait, pour expliquer, donc la santé, elle est sur le fédéral. C'est l'AFSCA et Ducarme est le ministre, je pense. De l'agriculture, mais il y a aussi le ministre de la santé. Et de la santé. Ça, c'est Maggie Dubloc. Oui. Et la chasse, c'est régional. Donc. La maladie, elle n'est pas chez les animaux d'élevage, elle est sur les sangliers sauvages. Et là, c'est le ministre Collin, région wallon, qui était chargé de faire le nécessaire pour confiner ou gérer le gibier. Mais ce qu'on a trouvé vraiment qui était très frappant, c'est que c'est facile de dire on tue 4000 porcs, mais tuer 4000 sangliers... Ils ne savaient pas comment le faire. Et ils n'ont rien voulu entendre de nos conseils aux réunions qu'on a eues avec eux, etc. C'était soi-disant des experts qui venaient d'Italie ou de Tchéquie, qui connaissaient soi-disant la maladie, et ils n'ont rien voulu entendre. Mais de nous éleveurs, mais aussi des gardes forestiers qui connaissent très bien la forêt, et des chasseurs qui connaissent aussi le gibier. Et là, nous, on est vraiment en colère parce que 4 jours pour tuer 4000 porcs, ça a été possible, mais ça fait 2 mois aujourd'hui, plus que 2 mois, et encore des sangliers qui courent, quoi. Et là, pour nous, on dit, mais attendez, c'est quoi votre truc? Parce qu'on leur a dit dès le départ, ça, on veut bien tuer nos cochons, on veut bien faire cet effort-là, mais on attend de votre part un résultat sur la gestion de la maladie. Je ne voulais pas faire l'effort de tuer, hein. On ne pouvait pas faire l'effort de tuer. Oui, moi non plus, je n'étais pas d'accord quand même. On n'était pas d'accord, mais on a accepté, voilà. Bah, on a accepté, on n'a pas eu super. On n'a pas eu, on a subi, pas, oui. On a subi, oui. On n'aurait pas su faire autrement. Parce qu'on a quand même retourné le problème dans tous les sens, pour savoir comment on aurait pu s'opposer à ça. Sauf que la réalité, c'est qu'ils sont plus forts que nous. Oui. Ouais. Donc, si j'ai bien compris, en tout cas, tant qu'il y a des sangliers contaminés dans la région, tout est à l'arrêt. Mais plus que ça, c'est que selon les informations, il faudrait 1 à 2 ans après avoir retrouvé le dernier sanglier malade pour qu'on puisse envisager de retrouver des porcs dans les porcheries. Mais on peut jamais être sûr que ce soit le dernier, en fait. Le dernier retrouvé. Oui. Après, il y en aura toujours peut-être un qui court dans la forêt, quoi. Et l'urgence, pour moi, elle n'était pas dans les cochons, mais elle était dans les sangliers. Oui. Parce que, comme Ilias le dit, on va toujours en retrouver. Aujourd'hui, 2 mois que les sangliers se propagent, on a retrouvé 600 sangliers morts de la maladie. Mais non, beaucoup moins. Beaucoup de moins. La maladie, il y a dans 280 ou 300. On m'a parlé de 600, mais alors les 600, c'est 600 morts, mais dont la moitié est malade seulement. Ben non, parce que pour moi, il y a 2 semaines, c'était 290. Ouais, mais donc il y a plus ou moins 300 sangliers atteints, mais ils en ont trouvé bien plus que ça, des morts. Mais alors la maladie, elle est maintenant dans tous les bois. Mm-hmm. Donc toute la forêt et les terres autour sont contaminées. Et ça, c'est la catastrophe pour moi. C'est que le microbe, il peut vivre 2 ans dans le sol, ce qu'on m'a raconté. Et donc, un sanglier qui reviendra dans 1 an, dans cette région-là, il va rechoper la maladie. Donc, quand est-ce qu'on va avoir fini de ce truc-là, il y a des... Ouais, des super clôtures. Ouais. Puis la maladie progresse de 1 à 2 km par mois aussi. Par mois. Par mois. Et c'est ce qui s'est un peu passé, c'est qu'ils ont un peu étendu la zone noyau. Probablement, elle sera encore étendue. Mm-hmm. Mais tant qu'il n'y a pas disparition de la maladie, donc ça veut dire que ça va continuer à progresser tous les mois. Et la maladie, elle vient d'où? Si vous dites que ça progresse relativement lentement, ça veut dire qu'on peut suivre son trajet. Non, elle a fait un bond, là. Il y a plusieurs théories qui existent. Il y a la théorie du sandwich polonais. Donc, un Polonais qui serait arrivé en camion pourrait jeter son sandwich à base de porc pestiféré. Il y a la base des militaires qui sont allés faire des camps là-bas en Pologne et qui auraient ramené sur les roues de leur tank la maladie. Il y a l'hypothèse des sangliers importés pour la chasse ici dans nos forêts. Mais dans tous les cas, c'est un facteur humain. C'est humain. Oui. Parce que si la maladie fait 10 km par mois, bon, elle serait à moins déclarée avant d'arriver en Belgique. Quoi. Est-ce que c'est courant des gens qui mettent du gibier dans la forêt pour aller chasser? Bah. Oui. En Flandre, j'ai entendu parler des faisans et tout ça. Il y a des riches chasseurs qui achètent des faisans, les gardent pendant 2 semaines et puis ils les lâchent. Et puis avec les copains, ils vont. En Belgique, c'est interdit. En France, c'est accepté, par exemple. Mais la frontière française n'est vraiment pas loin. Oui. Aussi, oui. Maintenant, il y a quand même En Belgique, ça se fait depuis que je suis gamin. Je connais ça. Hein. J'ai été élevé dans les bois et je connais ça depuis que je suis gamin. Oui. En tout cas, j'ai été à des chasses dans les bourgs, qu'il fallait presque sauter dans le gibier pour qu'il démarre. Ouais. Mais après, dans la zone qui est vraiment où la peste est, ça se fait pas. Non. Enfin, je veux dire, nous, on connaît assez l'endroit pour savoir que là, ça s'est pas fait. Mm-hmm. Ou alors, il nous manque des infos, mais je crois pas. Ouais. Maintenant, il n'est pas impossible que les sangliers qui sont importés à côté. Il y en a qui le font. On en connaît un qui a été même un peu... Il était mis sur la sellette parce qu'on savait bien qu'il venait de lui. Mais ça se fait partout en Wallonie. En parlant justement de toutes ces histoires-là, un ami agriculteur du côté de Marche-en-Famène me racontait, lui, il a vu un semi-remorque baigner des sangliers dans un bois, la nuit. Hein. Oui. Et il venait de Pologne, c'était un camion polonais. Donc, c'est généralement dans des grosses chasses. Ces gens invitent des chasseurs à la journée ou au week-end, où ils doivent payer pour venir chasser. Et ça, c'est le revenu de leur chasse. C'est qu'ils font venir des personnalités pour se défouler un week-end, on va chasser. Mais ils doivent voir du gibier. S'ils ne voient pas de gibier, c'est pas comme une chasse à l'affût. Une chasse à l'affût, On va parfois, combien Benoît, 10 fois se promener, 10 jours, c'est peut-être au 10e jour qu'on va trouver deux sangliers et qu'on en tirera un. C'est une chasse. Mais les chasses, comment ça s'appelle ? Battues, c'est pas Disneyland. Quoi. On traverse à 10 ou 20 la forêt et là, ils voient le gibier et ils boum boum dedans. Mais c'est pas de la belle chasse en fait. Mais c'est ce qui paye. Et donc, c'est le business qui est là derrière, qui pour moi est vraiment questionnant. Quoi. Et le fait qu'on augmente le gibier, et ça fait plusieurs années, on sait ça, qu'il y a de plus en plus de gibier. Nous, on est victime de ça parce qu'on a de plus en plus de dégâts dans nos champs. Parce que ces sangliers, quand ils n'ont pas à manger dans les bois, ben ils sortent et ils vont manger les cultures de maïs, de pommes de terre, de blé. Ils font des ravages dans nos champs. Quoi. Et puis en hiver, c'est dans les prairies. Mm-hmm. Ils retournent les prairies pour manger les vers de terre. Et voilà, il y a beaucoup, beaucoup trop de gibier. Et l'autre chose qu'on a appris aussi, c'est les vétérinaires qui nous ont dit ça. Ça fait 4-5 ans qu'ils étudient cette maladie et qu'ils se préparaient, ils savaient que ça allait arriver. Parce qu'ils disent qu'il y a trop de sangliers dans la région. Je ne sais pas s'ils pensaient que ce n'était pas le sanglier, mais... Même l'AFCA avait tiré la sonnette d'alarme par rapport à l'arrivée possible de la peste. Hmm. Oui, donc l'AFCA, donc, c'est une agence du ministère de la santé publique. Est-ce que la santé publique a été en danger ? Ah, pas du tout. Pas du tout, parce que d'après ce qu'on nous dit, la peste porcine africaine ne touche que les suidés, donc que les cochons. Et que chez l'homme, il n'y a aucun danger. Il paraît même qu'on peut manger du porc infecté, on ne sera pas malade. Quoi. Le risque, c'est de le disséminer. Alors, quoi. Mais alors ? Si on a de la nourriture qui est infectée, c'est de disséminer encore plus la maladie. Parce qu'on peut soi-même aller avec son sandwich en vacances. Et... Oui, en tout cas, les cochons, les cochons qui ont été tués n'étaient pas contaminés. Ah oui, il n'y en avait pas un seul qui était contaminé. C'est... Pas un seul, oui. Ça, et ça, c'est même reconnu par l'AFSCA. L'AFSCA dit, on sait bien. Moi, on m'a dit que, par exemple, si on mangeait du sanglier infesté, le virus pourrait muter envers bien le chien, l'humain... C'est le principe d'un virus, c'est qu'à un moment il peut toujours muter, mais toujours être. Enfin, maintenant il a pas muté. Oui. Donc, tel qu'il est là, il peut pas s'attaquer à rien, à part au sanglier et au cochon. Et puis, donc, les 4000 cochons ont été tués à l'abattoir, mais aussi dans les fermes. Alors. À l'abattoir, il y avait 130 places. Et sinon une partie dans les fermes, mais il n'y a pas eu 3700 cochons tués dans les fermes. C'est ceux qui pouvaient, comme ils ont pu, en s'organisant. Ceci dit, on peut quand même dire que l'abattoir de Virton a vraiment fait un beau... Enfin, oui, ils ont ouvert exprès. Ils ont ouvert exprès un jour où normalement ils n'abattent pas pour pouvoir abattre un maximum de cochons, mais le nombre de places dans le frigo a limité vraiment le nombre d'abattages. Et le reste est parti au plan. Il y aurait pu y avoir des démarches de la protection civile d'amener des frigos ou quoi pour augmenter, mais ça n'a pas été fait, ça n'a pas été organisé. Et eux qui sont si sévères sur l'abattage à domicile, et... là ils ont vraiment autorisé et allez-y quoi. Ouais. On n'a jamais eu si facile que d'être en règle. Moi c'est la première fois que je tue 6 cochons à la ferme en étant complètement en ordre. Légalement, quoi. On avait le droit de le faire. Et il y avait aussi la raison, parce que non, théoriquement, on peut tuer à la ferme pour soi. Mais donc, 6 cochons, il faut déjà avoir une bonne famille pour consommer 6 cochons. Mais là, comme on ne sait pas pour combien d'années, on a quand même fait un bon stock. Quoi. Oui, ok. C'est ça. Et est-ce que les éleveurs ont été dédommagés? Alors, vont être dédommagés. On attend, oui. Moi, j'ai une réponse négative, en fait. Je n'aurai rien. Enfin, il faut que je proteste, mais j'ai perdu ma lettre. Pourquoi? J'ai pas de preuves pourquoi je faisais un commerce de cochons. Ah oui, ça, ouais. Affaire du Marc, Marc, franchement. Coupé. Oui, coupé. Ça veut dire que même si c'est pour ta propre famille, Tu n'es pas indemnisé si tu fais du cochon pour ta propre famille. Pourtant, normalement, tu peux déduire, tu peux déduire ta consommation personnelle de tes charges et compagnie. Enfin, moi, je sais plus, on a vu ça au cours A et B, là. Mm-hmm. Mais ce qui était intéressant lors des premières réunions, c'était de savoir que vous me reprenez si je me trompe. Mais il y avait environ une grosse cinquantaine ou 30-40 éleveurs. 41 éleveurs. 41 éleveurs concernés. Mais là-dessus, il y en avait. Non, il y avait 60 éleveurs concernés, donc 41 avaient moins de 10 porcs. Voilà. Donc ça, c'est de la consommation familiale, personnelle. Donc ça concernait très peu de gros éleveurs, et encore les gros éleveurs étaient... En même temps, si t'as 25 cochons, c'est pas... 5 à avoir plus de 500 porcs. Voilà. Les gros éleveurs d'ici, qu'est-ce que c'est par rapport aux gros éleveurs de... Oui, parce que c'est 1000 cochons, un gros éleveur. Par an ? Par an, oui. C'est ridicule vis-à-vis des élevages flamands. Elle avait 80 truies, je crois. Oui, enfin, je ne sais plus les chiffres. Mais en soi, c'est gros pour ici, mais... Oui. Mais pour les grosses. Mais c'est déjà une démarche industrielle, quand même. Oui, voilà. Oui. Et donc, il faut savoir que ces personnes-là, on leur a proposé quand même d'être dédommagées au gras, comme ils disaient. Donc, au cochon gras et aussi aux truies. Hein. Voilà. Oui, voilà, truies reproductrices, quoi. Quand on a été à cette réunion où le ministre Collin a proposé les montants, etc., il n'y a personne qui a vraiment contesté quoi que ce soit à cette réunion-là. Mais comme ça devait encore se discuter avec le collège des producteurs, auxquels ils ne sont pas encore venus nous voir, nous. On est deux éleveurs ici, mais on ne sait pas du tout. Donc il y a eu des réunions d'information organisées par l'AFSCA. Par les ministères et l'AFSCA, oui. Il y a eu des réunions d'information, mais toujours est-il que Marc, toi, tu as pris la décision de Ducarm d'abattre. Enfin, je veux dire, il n'y a pas eu forcément. Je pense qu'il y en a qui ont été appelés et renseignés, mais d'autres pas. Ah, ils sont déplacés pour venir voir chez nous et pour nous dire. Mais tu apprends ça par la presse Les petits éleveurs n'ont pas été. Et d'ailleurs, ils parlaient au début de 58 fermes. Où il y avait des porcs, mais ils en avaient oublié deux, ils en ont retrouvé deux après. C'est pour vous dire que tout le monde ne déclare pas. Et c'est bien, je trouve. Pourquoi est-ce qu'on doit que nos supérieurs dirigeants administratifs doivent tout savoir sur ce qui se passe chez nous, quoi. Moi, je trouve que la liberté, elle est où ? Bah oui, surtout que si ça se trouve, ça marchait beaucoup mieux à l'Antiquité, où il n'y avait juste pas de dirigeants, où il n'y avait pas de contrôle. Et les gens, ils émerdaient, quoi. Donc... Gamin de chance et des cailloux, vie compagnon des loups-garous, rattré d'une promenade à perrette, pas de chemin mounant à ruette. Camino chavou de Nawe, a cramian puet de melé, friant des gavailles comme des saintes, jouant jafar la popote. Dans ma majon qui fout ma clé, j'm'ta pou songe, devant mes pilules pour dormir. J'aime Faba tout tu. John fait panchit sur la fontine, bruchant les handis de la semine. J'ai fait m'rabot dans les chaussettes, attrablant comme des branches d'honnêtes. Saussu tressant des bances d'osier, des lilas ou blanches de la rivière. Vium tchadjan si c'est solé, à crachant sa chic de la vire. Dans ma majon qui frou ma clé, j'aime ta bousson du, devant mes pilules pour dormir. J'aime faba tout tu. Mardi qui sent bon les joutes fites, dansant sud de val ça ragite. Mardi soit tant que l'été de Mauriche, mais l'an quelle heure qu'à oui restiche. Vimeur pochi pas les anailles, et pas les femailles de chimnaille. Village qu'on met aux deux accents, pas le sang dans la bouche des affants. Dame ma jon qui frou ma clé, j'aime ta bousson du, devant mes pilules pour dormir. J'aime faba tout petit. Dans ma majon qui fout ma clé, j'aime ta bousson du, devant mes pilules pour dormir. J'aime faba tout petit. Oui, j'ajouterais que les cochons, on va retrouver les cochons les mieux élevés, les plus respectés, c'est dans les petites fermes. Quand on fait un cochon pour soi, ou même pour ses voisins, etc., on va avoir une attention. Ces cochons, ils ont parfois des noms, on va au moins deux fois par jour les nourrir, il y a un échange qui se fait entre l'éleveur et ses animaux. Et quand on en a 400 ou 2000, là on n'est plus face à un animal, on est face à un outil productif. Et le regard, la perception de l'élevage est complètement différente. Et ce qui est frappant ici, c'est qu'on a détruit sur les 60 éleveurs, il y en a 50, on peut dire 50, qui faisaient de l'élevage, vraiment de l'élevage, respectueux, etc. Et ça, je trouve que ça n'a pas été entendu assez. Dans les 4000 porcs, pour moi 4000 porcs c'est rien, c'est beaucoup, mais c'est dans quelle situation, tuer 4000 porcs industriels, ça peut être un soulagement peut-être pour ces cochons-là, qu'est-ce qu'ils vivent réellement? Mais nos cochons, on sait que, comment ils vivent, et on les connaît, on est proche d'eux, c'est pas comme des chiens, on va pas aller jusque-là, mais ça peut l'être, il y a quelque chose qui se passe. En même temps, il y a peut-être aussi, on peut déceler quoi, une volonté de tuer ce petit élevage qui n'est pas maîtrisable, qui n'est pas aussi maîtrisable qu'un élevage industriel. Et ça s'entendait dans les discours qu'ils ont tenus sur les Polonais, sur l'élevage polonais, qui a de l'élevage, enfin, en tout cas, dans ce qu'on nous dit, hein, où on nous a pas mal critiqué l'élevage familial polonais de la famille qui a quelques cochons, qui le transforme dans sa cuisine, et tous les risques que ça encourt, cette petite production. Ouais, mais en tout cas, si j'ai bien compris, on a tué 4000 cochons pour endiguer une épidémie qui n'est pas endiguée, puisqu'on ne s'attaque pas au problème. Ouais. Donc ça va continuer. Ah oui. Bah, ça continue. Ça continue. Hein. Oui. Et donc la zone est en train de s'élargir. Heureusement, on ne demande pas aux agriculteurs qui sont dans cette zone qui s'élargit de tuer leurs porcs. Jusque maintenant. Oui. Je pense qu'ils l'ont... Oui, mais la zone, c'est pas élargi autant pour l'instant. Mais à B, 2 km par mois. Ouais. B, on est encore que dans la zone qui a déjà été éradiquée. On en a retrouvé de l'autre côté de l'autoroute. Oui, élargi quand même. Oui, mais attends, ça c'est officiel ou pas? C'est la semaine passée, mais... sur le truc de l'AFSCA, la carte, elle a changé. Ah oui. De 1000 hectares. Mais... Moi, je trouve que pour le mieux... Il y a 4 zones maintenant. Des mauvaises langues disent même que quand la saison de la chasse sera terminée, comme par hasard, on aura retrouvé des sangliers plus loin que ça. Mais pour le moment, on est en train d'un peu éventuellement taire la chose pour que la chasse puisse aussi avoir lieu, quoi. Parce que sinon, on tétaniserait d'autres zones. Voilà, c'est des radiocouloirs, hein, je veux dire, mais... Dans le même style. Donc les Français ont fait une clôture là, le long de la frontière avec deux fils électriques, barbelés. Mais les gardes forestiers qui sont passés, avec qui on a échangé, donc, nous racontent que la mission que ces gardes ont quand ils trouvent un sanglier mort en forêt côté français, on fait un trou et on l'enterre. Mmh. On n'en parle pas. Ouais. Bien sûr, en Belgique sûrement aussi. Mets-toi à la place du chasseur. Quoi. Bah, ils n'ont pas intérêt à ce qu'on mette en place. Hein. Putain, bien sûr. Attends. Ni le chasseur, ni celui qui travaille dans la forêt, ni l'éleveur, oui, personne en fait. Parce que les autres exploitants forestiers, on peut quand même parler de ça par rapport à... sont très embêtés, quoi. Je veux dire, il y a le marché du bois, il y a le sapin de Noël. Escolite. Il n'y a pas beaucoup de sapin de Noël ici, mais l'escolite. L'escolite, pour le moment, hein, qui ravagent les forêts, ils ne veulent pas aller les abattre, quoi. Voilà. Ah oui. Ils ont été aujourd'hui prévus un sapin de Noël. Des arbres malades dont ils devraient s'occuper et ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas, et ça se propage. C'est très embêtant, oui. Ouais. Et donc, si tuer les 4000 cochons n'a pas servi à endiguer l'épidémie, alors à quoi ça a servi? À rassurer les marchés. Ouais. Rassurer les marchés, à faire belle image devant l'Europe aussi. À pouvoir continuer l'exportation. Je pense que vraiment, il y a... Que les premiers titres dans les journaux, la peste porcine africaine est en Belgique. On n'a pas stipulé qu'elle était dans les... sangliers. Dans les sangliers, chez les sangliers. Et quand, j'imagine, Taïwan, la Chine lit ça... Mais leur réaction dit oula, on achète tout pour quoi. Mais en même temps, en Chine, ils sont complètement infestés. Alors qu'ils sont complètement infestés, oui. C'est vraiment ce qu'ils nous ont dit lors de la première réunion. On a été, c'était ouais. Quand même 24 heures ou 48 heures après ouais. La décision. C'était, je pense. Il y a 8 pays qui ont fermé les portes à la Belgique. Les personnes nous ont répondu ça, nous ont parlé de. Voilà, sont venus avec des notions du type la Chine et la Corée ont mis un veto si on n'agissait pas rapidement. Et donc, il faut comprendre, c'est l'image de la Belgique qui est en jeu, enfin, des choses comme ça qui ont été dites, avec vraiment la notion d'un sacrifice d'une microzone comme ça, mais complètement aléatoire au niveau de. Des raisons, quoi. Et un point de vue très différent entre les gros éleveurs qui, eux, ne sachant plus vendre aucun cochon, quand on ne sait pas exporter dans sa ferme, qu'il y a des naissances tous les jours, c'est l'étouffement. Oui, c'est l'asphyxie. Donc, pour eux, il fallait trouver une solution. Tout à fait. Ouais. Et c'était la bonne. Oui. Et ça les soulageait. Ça les soulageait. Plus vite c'est fait, mieux c'est. Oui. Parce qu'en soi, c'était insupportable pour eux de se dire que toutes les semaines, ils allaient tuer... des centaines de porcelets, c'était autant tout tuer d'un coup. Enfin, c'est intenable sinon de tuer autant de porcelets par semaine. Quoi. Et de le faire tout le temps, oui, que ce soit récurrent. Enfin, ça fait durer vraiment quelque chose de dur. Mmh. Parce que je suis sûre que pour eux-mêmes, ça a été difficile aussi. Mais donc, eux, il y a eu quelque chose effectivement du type soulageant. Voilà, on fait ça. Que chez les autres éleveurs, les petits éleveurs. On n'était pas du tout, il n'y avait pas d'urgence, on n'a pas compris l'urgence. Ce matin, pas plus tard que ce matin, donc je vais chez mon médecin et elle me raconte, donc je lui parle un peu de cette peste porcine. Ah ben mon papa avait des cochons, et il a dû tuer aussi. Et C'est vrai que la saucisse n'est pas si bonne, parce qu'il n'était pas gras. Et... Mm-hmm. Il y a une anticipation, on a dû tuer... Dis-nous, on a tué une en chaleur, c'était affreux. Oui, on a tué une truie en chaleur. À ce niveau-là, je trouve que c'est bien de parler du cochon en soi, que normalement, on sait que le cochon, on va le tuer aux environs de Noël, c'est-à-dire soit avant, selon la tradition, soit après le Nouvel An. Et c'est une démarche qui est dans nos têtes, et on sait que voilà, dans deux semaines, on va tuer les cochons, on organise le truc, c'est tout un rituel, que là, il n'y a pas eu, pour nous, pour eux, j'en sais rien, je ne sais pas interpréter. En tout cas, vu que pour nous, ce n'était pas fait, on les a tués dans le stress, dans une sale émotion d'injustice, et donc on était moi, j'étais en colère, personnellement. Et tuer les bêtes dans ces conditions-là, je crois que ce n'était pas top pour eux, parce qu'eux, ils avaient encore... Oui, on les avait achetés pour les tuer et tout ça, mais ils avaient quand même quelques mois à vivre. Et on les a tués pas dans une bonne ambiance, et je trouve vraiment ça... Voilà. Et puis même, je veux dire, les conditions se prêtaient pas. On tue à Noël, c'est pas pour rien, c'est parce qu'il fait froid. Là, il y a eu des problèmes on a eu des vers dans le jambon. Parce que voilà, on fait toutes les charcuteries. Il faisait beaucoup trop chaud. On aime bien l'avoir... et avec les chaleurs, il y avait les mouches qui étaient encore là en octobre. Et puis on a retrouvé, même en faisant tout ce qu'on pouvait, il y a quand même... Il fallu que même dans la saumure, il y a une mouche qui est arrivée dans la cave, on ne sait pas comment. Et elle a encore été ponte dans... C'est comme si on était en été, quoi, dans le sel. Ouais. Mais ça, c'est parce que t'es un barquis polonais. C'est beaucoup plus... Oui, et alors, on a peut-être déjà abordé ou pas, je ne sais pas, mais l'histoire de la sélection, quoi. Il y a des personnes qui ont quelques cochons, mais qui sélectionnent, qui ont des mères reproductrices, etc., et qui ont été obligées de les tuer, alors que cette truie-là n'était pas amenée à être tuée, quoi. Elles étaient amenées encore à éventuellement... On avait des cochons qui travaillaient, donc qui étaient sélectionnés pour vivre à l'extérieur. Et aussi pour... Là, nous, chez nous, ils ont travaillé sur deux terrasses potagères pour retourner la terre, préparer, en manger les rhizomes, et qu'on puisse après cultiver. Et bien, le fait de... C'est pas n'importe quel cochon. Il y a eu de la sélection qui a été faite dans ce sens-là. Sélection à croissance lente. On ne demandait pas. Nous, on fait des cochons en 8-10 mois. Un cochon industriel, c'est 5 mois. Donc, il nous faut le double de temps. Ils sont un peu plus lourds, peut-être. Mais on a vraiment. C'est des cochons qui sont élevés. On ne les engraisse pas dès le premier jour. Ils se musclent, ils courent. Et on leur donne une nourriture, mais pas d'engraissement, une nourriture d'élevage. Ils mangent de l'herbe. On leur fait des semis aussi de moi je fais des ce que j'appelle des engrais verts ou quoi, mais des cultures pour que où quand elles sont assez développées, je mets pâturer mes cochons dans ces parcs là quoi. Et donc c'est vraiment du cochon extérieur d'herbe l'engraissement c'est après quand ils ont atteint leur croissance normale, une certaine croissance, alors on attend qu'ils se musclent un peu plus, et puis on passe à l'engraissement, et c'est souvent à partir d'octobre. Donc là, on était pris un mois trop tôt, un mois et demi, comme on l'a dit. Et ça, c'est une perte. Et puis, demain, on va pouvoir recommencer, mais où est notre génétique? Où va-t-on retrouver cette génétique-là? De race qui sait travailler à l'extérieur, qui... Oui, parce qu'il y avait des éleveurs dans le coin qui faisaient justement la sélection de ces cochons-là que nous... On allait chercher pour ce lait, et ça faisait 30 ans qu'il faisait en sorte que ça devenait les meilleurs, quoi. Mm-hmm. En tout cas, ce qu'on attendait. Et tout ça a été ruiné. Tout ça a été tué, quoi. Détruit, comme on espère, quoi. Ouais. Mais en tout cas, tout ça, vous avez été obligé de le subir. Mais j'ai vu que... que vous faites encore... il y a une requête en cours au Conseil d'État. Mm-hmm. Pour ce but-là, vous avez récolté un peu d'argent pour les frais, pour les avocats et tout ça. vous en êtes où? Ou combien de temps est-ce que ça dure, une requête comme ça? Est-ce que vous avez une idée? 2 ans, 1 an et demi à 2 ans. Parce qu'en fait, c'est tout un jeu de réponse entre les organes juridiques... L'ego, je ne sais pas, moi je ne le connais pas bien, où ils ont à chaque fois un certain nombre de jours pour se répondre et donner des avis et Et donc on estime à 1 an et demi, 2 ans une réponse finale. Donc vous estimez que l'arrêté ministériel d'abattage était illégal, c'est ça? Ben, on suppose, et on espère, qu'il était illégal. On pense qu'il était illégal, parce qu'il ne s'appuie pas sur les textes de l'AFSCA. Il n'y a aucun texte de loi qui montre, qui prouve qu'ils avaient le droit de faire ça. Voilà. Il y a plusieurs points qui viennent mettre ce texte à mal. Oui. Notamment l'Europe même, même le principe de précaution à l'Europe n'exigeait absolument pas cet abattage. Au niveau de l'AFSCA, on a relu un peu, enfin oui, ça a été relu par des gens bien plus experts que moi, mais c'était, apparemment, c'était pas la chose impossible. Si la maladie était contagieuse pour l'homme, était dans nos élevages, là il aurait pu. Oui. Mais elle n'est pas contagieuse pour l'homme, et donc sur le plan sanitaire, il n'y avait pas du tout de nécessité d'abattre. Ouais. Disons que pour en arriver à cette situation d'abattage, il aurait fallu qu'il y ait un certain nombre de choses mises en place qui n'ont pas été. Et notamment des espèces de comités aidez-moi. Et ça ne s'est pas passé comme ça, oui, il n'y a pas eu... De rencontres avec les éleveurs, les représentants des vétérinaires, et même aussi les agents de la DNF, etc., qui connaissaient le problème, le danger de contamination. Et même de l'AFSCA, l'AFSCA n'a pas eu son mot à dire, alors qu'elle aurait dû... Oui. Ils savaient très bien que où il y avait le plus de danger de contamination, c'est dans nos fermes où les cochons étaient à l'extérieur. Mais pour ceux qui ont des cochons à l'intérieur, la contamination, on parle pour le promeneur qui va dans les bois, qui pourrait ramener le microbe dans une ferme, c'est 1 sur 17 000. Ah ouais. De toute façon, ils ne peuvent plus aller dans les bois, c'est pour dire. En plus, ouais. Donc, on joue. Quand on parle de sécurité. Non, je crois qu'on pense vraiment, est-ce qu'on voudrait quand même un peu que ça se passe plus, en fait, surtout, tu vois, démontrer, ça ne sert plus à rien pour les 4000 cochons, mais effectivement que ça ne puisse plus se passer à l'avenir. Et il y a eu quand même les raisons qui ont amené à cette espèce de décision complètement précipitée du ministre du Carme. Sont des décisions de type économique pour servir l'industrie, pour protéger. Ils m'ont coupé les racines. Je n'ai plus que des moignons de mots pour dire mon pays. Ne soyez pas étonnés si je France qui onne. Dans les écoles, ils m'ont redressé. La langue, elle était tordue. Pourtant, mon pays, chante en patois. À qui la faute si les chevaux ont été vendus, les fumiers comblés? Si les poules ne font plus leur nid dans les talus, si les Slade nous ravagent les oreilles, j'ai pourtant gardé le goût des champs qui fument au soir de septembre, celui des champignons blancs. Je garde l'odeur des cochons que l'on tue dans les matins glaceux et que le feu de paille incendie noirci. Je suis handicapé, j'ai perdu ma première langue lorsque j'étais encore un enfant. Je n'ai plus qu'une oreille et celle qui me reste n'est pas du côté du cœur. Qui nous a pris les feux de branche en hiver dans la forêt taciturne, nos jeux d'enfants dans les pipes de marron, nos rêves en bande dessinée. Est-ce le temps simplement ou est-ce les marchands? Je traîne ma tête sur ma carte d'identité. Il est écrit impotent socioculturel. Oh, les vieux mots endormis de mon patois, réveillez-vous pour chanter la liberté. Nous avons encore besoin de vous. Sortez des champs sapiniérisés, des HLM clapiers, des engrais, des alchimiques usines. Évadez-vous des dictionnaires, des opuscules, des bouquins, des feuilles mortes. Pour vous les mots de mon patois, trépignez de vie, réapprenez-nous le parler d'homme. Notre horloge électrique est détraquée, notre cœur ne sait plus comment vont les saisons. Frères occitans, frères flamands, frères bretons, frères wallons, partageons l'eau de nos sources retrouvées. Demain notre patois sera chant de revendication. Je pense, enfin, ils ont aussi pris tout le monde en vitesse. Tout à fait. Il y a eu les gens n'ont pas eu le temps de s'organiser, de faire quoi que ce soit. Et absolument. On ne savait pas non plus aussi, si on se rebellait, quels étaient les risques qu'on encourait. Donc c'est... À part perdre les indemnisations, ce qui a fait qu'il y a eu peu de gens qui avaient envie de se rebeller. On ne savait pas non plus si on allait perdre les primes, après ça, qu'on a de la PAC et tout ça. On ne savait pas réellement quelles étaient les sanctions, quoi. Donc, effectivement, ça fait peur, on n'a pas envie de se rebeller, quoi. Enfin, et la plupart des agriculteurs étaient dans cette situation-là, vis-à-vis des banques, vis-à-vis de l'État, des ministères agricoles, où on est complètement dépendant. Oui. Mais c'est un choc. Moi, quand je l'ai appris, la nuit qui a suivi, j'ai très mal dormi. Et le lendemain matin, je me dis, mais attends, dans quoi je suis là? C'est pas possible qu'on me tue, on me demande de tuer mes cochons, quoi. Je dis, mais c'est des sangliers qui sont malades et on me demande de tuer mes cochons. Et je me dis, mais il y a quelque chose qui va pas, quoi. Et puis on a été... voilà, et c'est vrai que la réunion avec la foi... qui a bien sûr mis la sauce, qui nous a empêchés, parce que c'est dans cette réunion, c'est une réunion importante. On a réuni pratiquement tous les éleveurs qu'on a pu contacter de la région. On était quand même 40, une bonne quarantaine. Hein. Ouais. Donc c'était avant de l'abattage, le jour avant. La veille. Ouais. Et obligatoire, oui. Et là, on a essayé de dégager. Le but de la réunion était de rassembler tous les éleveurs et quelques militants, amis, etc., de façon à essayer de voir comment on pourrait éventuellement échapper à cela. Et il y a quelques éleveurs qui sont venus aussi avec des représentants de la foi, qui nous ont apporté beaucoup d'information qu'on n'avait pas. Qui à la fois La Fédération wallonne de l'agriculture, c'est le syndicat majoritaire. C'est le syndicat principal. En Wallonie. Qui est l'allié de Boerenbond en Flandre. Ouais, un gros syndicat, ouais. C'est le plus gros syndicat. L'unique, c'est pas l'unique parce qu'il en reste deux petits à côté. Mais... Donc il y a des éleveurs qui sont arrivés avec des représentants. Avec deux, dont le président et un représentant des ports. Ils avaient fait des kilomètres. Oui. Ils ont été, à mon avis, un peu catapultés. On ne s'attendait pas à les voir, d'ailleurs. Non. Et ils ont essayé d'un peu... Et ils n'étaient pas invités. C'est, on suppose, qu'on avait conviés qui les a invités, quoi. Un éleveur, oui. Oui. Mais bon, peu importe, hein, tout le monde était le bienvenu. Mais, C'est après disons que ce n'était pas le discours exactement qu'on avait envie de suivre, nous. Puisque nous, on cherchait à trouver... une réaction à apporter aux autorités afin de résister. Hein. Je crois qu'on espérait une résistance. Et c'est vrai que ce que tu dis, c'est que, en tout cas, enfin, je pense que tu as soulevé ce truc-là, c'est que ils ont parlé d'abattage, ça a été tout à fait soudain et urgent. Du coup, je crois qu'il nous restait... On avait 5 jours, hein, on était le jeudi, et le lundi, si on n'avait pas abattu, ils venaient, effectivement. Le jeudi, si on n'avait pas abattu, ils étaient pour le clos d'écarissage. Parce que sur les 4000, ce qu'on n'a pas dit, donc il y en a 150, 200, à mon avis, maximum, qui ont été abattus pour la consommation. Qu'on puisse consommer en consommation humaine. Tous les autres, ça a été pour la déchetterie. Oui, hein. Tous les petits cochons qui ne savaient pas courir dans des couloirs de détention, donc de, je dirais moins de 50 kilos à mon avis, ils ont été gazifiés. Et les autres, ils ont été électrocutés. Quoi. Oui. Il y a quand même un truc aussi qui nous a empêchés de résister. C'est ça en Flandre. C'est, tu parlais qu'on ne savait pas les répercussions qu'on allait avoir à titre personnel, mais on ne savait pas non plus ce qu'ils allaient faire vis-à-vis des ports. Le risque, c'était que si on s'opposait, parce que la population massivement était contre aussi. Oui. Je veux dire, là, il y avait un vrai soutien de la population, et donc ça aurait été assez facile de faire du nombre pour bloquer une ferme aux autorités sanitaires. Mais là, on rentrait dans un rapport de force, et qui, enfin, de façon ultime, ceux qui en pâtissaient, c'était les cochons à la fin. Parce que pour un cochon, enfin, c'est pas la même chose de se faire euthanasier dans un contexte De stress. De stress et de conflit que quand c'est l'éleveur ou les gens autour qui viennent et qui font la démarche. Exact. Ouais. Donc ça, il y a quand même cette question-là qui s'est posée dans la réaction. Et mais pour les cochons, quoi. Je peux comprendre que les éleveurs ne connaissent pas suffisamment leurs droits, pas les détails de telle ou une telle législation et les conséquences possibles. Mais les syndicats devraient le savoir. Oui, mais les syndicats ne font rien. Oui, ils défendent qui ? Ils défendent qui ? Oui. Le grand marché. Mais c'est ça, ah oui. Ah non, mais le syndicat... Ça dépend. Ça dépend quel syndicat. Ça dépend quel syndicat, mais le principal, il défend le marché. Oui. Donc il n'allait pas nous défendre, nous. Bien sûr. Même s'il dit défendre tout le monde, ce n'est pas la réalité. C'est ce qu'ils ont répondu. Hein. J'ai demandé. Et puis après, il reste quoi comme syndicat ? Ah oui, non. La FUGA, hein. Il reste la FUGA. La FUGA, elle n'a pas pris position très claire qu'après. Elle était contre l'abattage. Ils étaient contre, mais ils n'ont rien fait contre. Tout le monde était contre, hein, même la fois. Ils n'étaient pas contre. Ce n'est pas vrai. Ils ont clairement dit, parmi nos adhérents, il y a une partie qui est contre, il y a une partie qui est pour, et nous, on défend tout le monde. Donc, ils étaient ni pour ni contre. Donc, ils ne se mouillaient pas, quoi. Hein, mais je ne sais pas. Je me souviens avoir posé la question, je pense, à cette réunion, de quelle était la position de la FOI. Et ils m'ont répondu, nous défendons tous les types d'agriculteurs, donc, et ils ont dit, donc, les gros. C'était vraiment ça qu'ils ont répondu, quoi. Parce que j'aurais dit, mais c'est quoi votre position ? Vous êtes un syndicat, ils m'ont dit oui. Tu vois, parce que moi, je ne savais même pas. Évidemment, en tant que citoyenne, plutôt. Voilà, je dis, mais est-ce que vous êtes bien un syndicat ? Parce que c'était pas évident. Ils ont dit oui, et je dis, mais quelle est votre position en tant que syndicat, quoi ? Et on défend tous les agriculteurs, et notamment, du coup, tous ceux hors zone aussi. C'était ça qu'ils voulaient dire. C'est mais qu'on ça veut défendre dire, oui. tout le marché, bien les sûr. Autres éleveurs. Ça veut dire qu'ils ne vont pas nous défendre parce qu'ils défendent les autres. Voilà, oui, c'est ça. Mais... Et qu'il fallait sacrifier pour sauver le marché voilà. des autres agriculteurs. De c'est... toute façon, on nous a remerciés pour le sacrifice que c'était. Hein. Voilà. Oui, et alors, enfin, la dernière chose, mais ça a peut-être déjà été souligné, mais c'est que tout ça ayant été fait dans une précipitation, voilà... énorme quoi, je veux dire, c'était, il y a eu 5 jours, je crois, pour se retourner, 3, 4, 5 jours, mais 5 jours c'est le grand maximum. Évidemment qu'on était tous très occupés à, ben voilà, à sauver nos cochons, à faire notre viande, et mais à se retrouver pour se mettre d'accord. Et donc on n'a pas, pas pu du tout non plus militer comme on voulait quoi, je veux dire, il y a eu, sur ces jours-là où on était occupés à tuer les cochons, à, voilà, à les transformer, il y a eu une ou l'autre manifestation, mais enfin, on peut s'imaginer quand même facilement la course que c'était de faire la tête pressée pendant qu'on allait à une manif et puis de revenir faire le saucisson et de repartir à une réunion. Enfin, c'était ça, hein, les, ces journées-là, c'était ça. Quoi. Et les agriculteurs, les éleveurs les plus virulents, les plus choqués, ne sont pas sortis de leur ferme. Ils n'ont pas voulu, on ne les a pas vus aux manifestations, on ne les a pas vus aux réunions. Avec les, et eux, ils auraient pété dans le câble. Et donc, pour ne pas exploser, ils sont restés chez eux. Oui. On les a revus une fois ou l'autre après. Et il y en a plusieurs, ce n'est pas qu'un, hein, c'est plusieurs agriculteurs, mais vraiment en colère, qui se sont, ils se sont défoulés au téléphone, oui, parce qu'on les a entendus. Mmh. On a entendu leur colère, mais ils n'ont pas voulu se montrer aux manifestations ni aux séances publiques. Et ça, je crois que c'est quand même important de le dire aussi. Et donc, même si on n'était que 30 ou 35 sur 60, donc on n'a pas informé tout le monde, mais les, je dirais les plus... ceux qui seraient vraiment... révoltés. Révoltés. Est-ce que c'est leur femme ou... mais il y a... Pas du tout. Donc, c'est là que j'ai eu pendant une demi-heure au téléphone en allant à la réunion. Elle répondait, hein, oulala. Je ne peux pas dire, il vaut mieux pas faire avoir affaire à elle. Hein. C'est quoi les deux petits syndicats, c'est la FUG et l'ALMAP? Il y a aussi le MIC. Il y a le MAC. J'allais le dire. Mais la FUG, c'est... C'est le syndicat, c'est un syndicat un peu moyen de l'agriculture bio ou tendance. Enfin. Et puis, moi je pense qu'on a fait le tour, mais peut-être qu'on ne l'a pas fait. Donc je ne sais pas si vous avez des choses à dire. Oui. Ben, qu'on a, on a un chouette soutien, là, puisqu'il y a eu un appel à don par rapport à. La procédure qui a été entamée, on a fait un appel à don, et donc c'est vrai que s'il y en a parmi voilà, qui écoutent, je veux dire, c'est chouette de remercier les personnes parce qu'il y a vraiment un très chouette soutien qui est là et qui va permettre tout à fait aisément de mener à bien la procédure, quoi. Donc, ça, c'est voilà, c'est chouette. Ouais. Donc, j'ai envie de dire ça. Merci, papa. Cette procédure, c'était un peu la dernière chance de pouvoir faire quelque chose. Oui. En fait. Oui. On a raté toutes les autres, pour toutes les raisons qu'on a citées. Hein. Et c'est un peu tout ce qui nous restait. C'est un peu frustrant parce que, bon... On ne sait pas ce que ça... Oui, c'est ça, je crois que... C'est un peu trop légal, quoi. Philosophiquement, on ne sait pas ce que ça vaut exactement. On est bien conscient de... Oui, que ça vaut ce que ça vaut. Bon, voilà. Et puis, on n'est pas trop acteur dans une procédure judiciaire, en fait. Enfin, non. On mandate quelqu'un pour, mais on n'agit pas à soi-même. Donc, il y a une frustration à ce niveau-là aussi. On a perdu les cochons, ça s'est fait, enfin... On a perdu beaucoup de choses déjà. Voilà. Oui, en fait, c'est pas le but, c'est pas de gagner quoi que ce soit. C'est plutôt aussi de dire, ça ne peut plus se passer comme ça. Oui, mais ça c'est gagner quelque chose. Ça c'est gagner énormément. Oui, mais je veux dire, voilà. On gagne rien économiquement, quoi. Oui, non, mais c'est ça. On ne le fera pas. On l'a pas fait pour ça. De dire, au moins, il ne faut plus que ça se fasse comme ça. Et si la zone s'agrandit, il ne faut pas que nos collègues paysans revivent la même situation qu'on a vécue. Mais apparemment, elle va s'agrandir. Et comme apparemment, elle va s'agrandir. Ben, oui, mais bon, comme nous, on a un peu montré qu'il y avait moyen de... Peut-être qu'ils vont se réveiller, ou en tout cas, ils ont le temps là, de réfléchir aussi et de se dire, mais si ça arrive chez nous, on est aux frontières, ça pourrait, c'est possible, c'est probable, mais comment est-ce qu'on réagit, que les gens se mettent d'accord, qu'ils ont, enfin, nous, notre problème, ça a été le temps, mais eux, là, ils peuvent, quoi. Et... Et comme revenons à on est toujours là aussi, s'ils veulent... Et là, on est là aussi pour les... Pour si d'autres agriculteurs sont... Si l'agrandissement de la zone se fait, etc., que d'autres éleveurs sont dans la situation, mais voilà, on a déjà un peu de... On est un peu mieux armés et on les invite à venir nous frapper à la porte, en tout cas. Et à résister. À résister, mais aussi, mais même l'avocat, il l'avait dit d'emblée, si on avait réagi par voie de procédure judiciaire... Il y avait moyen de faire très vite reporter. Oui. On pouvait faire sauter l'arrêté. On aurait pu faire sauter l'arrêté dans les 2-3 jours. Oui, ce qu'on peut gagner aussi, c'est qu'ils arrêtent. Pas qu'ils arrêtent de nous prendre pour des cons, mais que. Bah, qu'ils arrêtent d'abuser. C'est bah, oui, on peut se rendre compte quand même qu'on a des droits. Et puis qu'ils fassent confiance un peu. Qu'on ne cesse pas faire comme ça juste parce que. Ils ont un certain grade, un certain pouvoir. Et puis, comme je le disais, c'est important aussi de voir que les autres cultivateurs de la région puissent avoir peut-être un peu plus confiance en nous. On a un groupe qu'on peut représenter. Oui. Ouais, moi j'ai encore envie vraiment de rajouter autre chose, enfin un autre truc, mais c'est que c'est par rapport à tout ce qui se passe, quoi. Il y a des décisions, je crois, qui ne nous conviennent pas du tout, qui se passent pour le moment, et évidemment pas qu'avec les cochons et tout. Et c'est un peu dire qu'à un moment, on n'est pas d'accord, il ne faut pas qu'on se laisse faire par rapport à des choses graves qui sont en train de se passer. Et je pense aux sans-papiers, je pense à des arrêts totalement arbitraires, à des détentions. Enfin, et je veux dire, on va se laisser faire jusqu'où, jusque quand ? Ben non, résistons, que ce soit évidemment par rapport à ici des cochons, par rapport à des décisions au niveau sociétal, social, etc. Je crois que c'est grave ce qui se passe et qu'il faut que... qu'on résiste, quoi, et qu'on... Voilà. C'est les mêmes... on est dans les mêmes enjeux, hein, que des personnes qui accueillent des migrants chez eux parce qu'ils n'ont pas de toit se font condamner en prison... par acte de solidarité. Oui, heureusement, je crois que ça, le procès a été... ils ont gagné le procès, mais où va-t-on, quoi ? Oui, va-t-on ? C'est ça, je crois qu'il faut qu'on dise ça. Et on est dans les mêmes... quelque chose, Catherine. On disait, c'est déconné ! Déconné ! Ça me vend un, hein ? Ça me vend un, hein ? Une petite phrase en patois pour clôturer. Voilà. Mais on avait un CD. Mais je l'ai donné à Aline. Et Ah, chouette. C'est un petit... C'est pas longtemps. C'est un petit non, c'est génial. Mais tu peux écouter toute la chanson, il y a des trucs sympas. Enfin, mais on va faut aimer son CD style, hein, c'est un peu tremblotant. mais c'est chill. C'est moi train, c'est ça? Ouais. Alors, je vous remercie beaucoup. Et voilà. Ben merci. À une prochaine. Ouais, ah ben ouais, c'était chouette. Oui. On a plein de choses à dire. Qu'est-ce qu'on va voir? Et il y a la prochaine fois, il y a un autre éleveur qui est requérant. École des champs, des bois et des rivières. École des jardins, des grands, des ateliers. Vous êtes la vie. Chant des campagnes, ne vous mettez ni à poil ni à plume. Les envahisseurs ont changé de technique. Ils achètent le pays et y dressent leur poulailler de vacances. On a raccordé votre cerveau à l'égout des villes. École des champs, des bois et des rivières, école des jardins, des granges, des ateliers, vous êtes la vie. Instituteur des campagnes, enlevez votre cravate et chaussez vos souliers de cuir. Emmenez vos enfants dans les chemins où le grillon fait sa musique, dans les écuries aux odeurs fortes, dans les scieries qui ronronnent, dans les bus pleins d'ouvriers. École des champs, des bois et des rivières, école des jardins, des granges, des ateliers, vous êtes la vie. Enfants des campagnes, inventez mille jeux dans les haies, jetez des cailloux dans les ruisseaux, mangez l'oseille amère. Empoignez la serpe rouillée et construisez une cabane. Récoltez les fraises, les framboises des bois, écoutez les vieux qui parlent dans leur langage. École des champs, des bois et des rivières, école des jardins, des granges, des ateliers, vous êtes la vie. Enfants des campagnes, que les bruits, les odeurs, les gestes et les amours qui vous entourent vous pénètrent. Car demain, ils viendront pour vous enlever le cœur et vous vendre des grandes cages coloriées et des animaux de paille. École des champs, des bois et des rivières, école des jardins, des granges, des ateliers, vous êtes la vie. Instituteur des campagnes, votre programme, c'est la bêche, les semailles et les récoltes, les confitures, le soleil et le vent. Et quand, sous les pommiers, on aura oublié la télé, alors on aura du rêve vivant plein la tête, fort comme un cri de bûcheron. École des champs, des bois et des rivières, école des jardins, des granges, des ateliers, vous êtes la vie. Donc ici, c'est la ferme du Haillon. Oui, oui, du Haillon. Ah ouais. Mais tu peux dire oui. Je le demande. Tu sais que... C'est une anecdote, hein, mais nous, on n'a pas compris parce que quand on parlait avec les voisins, ils nous disent, tiens, mais on ne te connaît pas, tu viens d'où? Ah, mais je suis de la ferme du Haillon. Ah, t'es des Haillons. C'est toi qui... Enfin, c'est vous qui êtes là, et tu... Tchac. Mais... J'en ai pas un qui parle au singulier. Et les haillons, c'est la haie. Ouais. Mais on ne dit pas la ferme de la haie, la ferme des haies. Ah, ouais. Et c'est dans le cadastre, donc sur le plan cadastral, etc. Et nous, on ne connaissait pas, on n'était pas encore venu boire un coup au village pour savoir. Et donc, tous les statuts et tout, on les a fait en fonction de ce que le notaire, de ce que le vendeur, le cadastre, tout ça nous disait. Et sur le cadastre, c'est Ferme du Haillon. Et on a appelé la coopérative Ferme du Haillon, la coopérative Terre du Haillon. Mais en fait, qui a raison? Moi, je pense, aujourd'hui, je pense que c'est les villageois qui ont raison. Évidemment. C'est un collectif, vous êtes plusieurs. Et en plus, on peut faire ça. Puis il y a plus qu'une. Bon, bref, c'est... Oui, c'est parenthèse. Okay. C'est pas grave, on peut faire des parenthèses. À Bruxelles, elle est connue sous le nom de la Ferme du Haillon. Ouais.